Eh baba, ici c'est le Freeman de la planète Mars, tu le sais, sur Radioactive. Baba, on reste actif. Yeah. Ici c'est freestyle. Ok. Bienvenue sur Freestyle, l'émission des cultures urbaines. On reprend tout à zéro, on reprend tout à zéro. On s'active sur Radioactive. Faut de l'espoir pour réussir, ici c'est freestyle. Bonsoir à tous, bienvenue sur Freestyle, votre toute nouvelle émission consacrée aux cultures urbaines sur Radioactive 93 FM, Amboise 94.7, Montlouis et tous ses environs. Ce soir, c'est une émission un peu spéciale. C'est la première de Freestyle et pour cette première de Freestyle, on reçoit une légende du rap français puisque nous avons le privilège, l'honneur et le plaisir de recevoir Monsieur Freeman. Freeman, bonsoir, sois le bienvenu sur Radioactive et merci d'avoir répondu à l'invitation. Yeah, bonsoir garçon, ça fait plaisir, merci pour l'invite, on est là. Et merci à toi d'avoir répondu à cette invitation, c'est un plaisir de te recevoir dans le studio. Freeman, carrière trop longue à résumer, on va se concentrer sur les grosses lignes de ta carrière. Cofondateur du groupe IAM. Plus de 30 projets sortis, 14 albums solo, dont un vraiment d'anthologie qui nous a tous bercés. Le Palais de Justice, participation au Sad Hill, Chronique de Mars, MC Rabika, 3 albums avec Karim Leroy, Deché, BO de Taxi, BO de Comme un aimant, le film, des feats que tu m'as voué ne plus compter. T'es toujours pas rassasié, Freeman? Eh ben, apparemment, non. Ben ouais, ben je sais pas, c'est pas une question de rassasier ou pas. Après, quand on est dedans, on fait ça sans calcul, sans. Voilà, moi je suis toujours dans la création en fait, hein, j'ai jamais arrêté, je continue encore. Donc voilà, ouais, non, je pense qu'il y a encore pas mal de choses à faire, surtout avec ce qui se passe dans le hip-hop. J'allais dire même le hip-hop mondial, hein. Et avec ce qui se passe sur Terre, avec ce qui se passe en France, je pense qu'il y a de quoi faire encore dans le hip-hop. Mais sauf que, ben voilà, je sais pas, on dirait qu'il y en a, ils ont oublié. Mais en tout cas, ouais, pas rassasié, je pense qu'il y a plein de choses à dire encore. Effectivement, les actualités du moment, qu'elles soient mondiales ou françaises, sont pas forcément drôles. Effectivement. Et c'est... Mais bon, on est là pour amener la bombe. On amène le sunshine. Et ben, d'ailleurs, en parlant de sang chaud, on va faire tout de suite découvrir un premier titre à nos auditeurs. S'ils ne le connaissent déjà, tu peux nous en parler, ce titre avec cette fameuse star française qui est dedans. Tu parles de Gilbert Montagné. Absolument. Ben ouais, c'est moi, ça a toujours été un chanteur énorme, mais je trouve que c'est dommage qu'en France, on lui ait donné cette image, on l'a mis dans une espèce de case où, voilà, c'est, on va s'aimer et puis c'est tout. Alors que le mec, il fait quand même des scènes de gospel. Pour moi, c'est un peu notre Ray Charles de France, quoi. Donc, et quand j'entends les chanteurs qu'il y a les télés françaises et les radios, etc., je me dis, mais comment ça se fait que jamais personne n'est parti voir ce mec-là? Parce que, ben voilà, il a une voix extraordinaire, musicien extraordinaire. Donc, voilà, j'ai voulu me faire plaisir. Et en même temps, pour moi, c'était une espèce de. Pour rendre hommage. À cette période-là, les années 80, parce que moi, c'était ma grande sœur qui m'avait mis dans la musique, la black music. Et donc, c'était pour rendre hommage un peu à cette époque-là, quoi. Donc, je me suis fait plaisir. Super. Et sur ce titre, il me semble que tu n'es pas tout seul avec Gilbert Montagné. Il y a quelqu'un d'autre avec toi. Voilà, il y a un rappeur qui s'appelle Crimo, l'indésirable. On a monté un petit crew ensemble qui s'appelle DZ au carré. Et on a fait un album ensemble où on a invité, voilà, on s'est fait plaisir, on a invité Gilbert. Eh ben écoute, je te propose qu'on écoute ce titre yes, tout de suite. Papa. Le groupe DZ au carré, Freeman, l'Indésirable, featuring Gilbert Montagnier. A tout de suite sur Radioactive. Amer et sombre, et le goût du bonheur quand on y pense. Car il reste pas, ce sentiment est infidèle par essence. L'échéance ne dure jamais dans le besoin. À vouloir aimer avec la tête, ça mène à rien. Que veux-tu de moi? Que veux-tu de nous? On est à l'écoute, combien ont suivi la raison pour finir dans la soute de l'oubli. Que veux-tu qu'on fasse? Où veux-tu qu'on aille? Sale minimum, on est que des hommes. Car la vérité n'est pas une finalité en somme. Pourquoi on se bat si ce n'est que pour un peu de joie? Mais dans le combat de la vie, on a tendance à l'oublier, à focaliser sur des choses qui ne servent pas. Ici, on m'appelle intéressant au milieu d'intéressés. Je suis l'escargot au milieu de gens pressés. Je sens que tu vois, je sens ce qu'ils font. Et y'a rien qui change dans ce monde et son fond. Moi que tu supposes privé de lumière, j'ai cependant ce message pour toi mon frère. Ah, si tu veux que demain soit le meilleur qui est, ouvre ton cœur de vie sans arme. J'écris ce texte comme une lettre morte. Là-haut pour profiter d'une belle vue, il faut cacher celle de l'autre. You s'appelle l'homme, you sin bello. L'horizon est tellement sombre qu'on peut distinguer le ciel de l'eau. Dans l'œil du cyclone, une vision monoculaire prive le cyclope de perspective. Sécheresse des yeux, dureté des cœurs. On se sent concerné si ça nous éclate en pleine gueule. Un être peut en cacher d'autres comme une poupée russe. Pour nous inoculer le virus, ils usent de toutes les ruses. À l'aube d'une nouvelle ère, des valeurs en péril. Le cloaque de l'humanité refuse leur discours stérile. On se cloître derrière des idées reçues, des guerres d'usure. Noyé dans des verres, on n'y voit que de l'azur. Je ne demande pas que le monde change, mais qu'il évolue. Conscience n'est pas à travers mes lunettes, ça n'est que mon point de vue. Toi qui n'a pour mélodie qu'un cri de guerre, tourne les yeux de ton esprit vers la belle lumière. Et si tu veux prier bien plus fort qu'hier, ouvre les yeux, fais chanter ton âme. Fais chanter ton âme. C'est toujours le même décor, on est enfermé dehors. Pareil que pour nous, c'est mort, on n'est pas libre comme les autres. La cage transparente veille, la plupart s'en foutent. Où la richesse c'est l'oseille et la foi nos doutes. Le désordre des êtres est dans l'ordre des choses. On lutte pour une vie meilleure à travers prose. La plume aiguisée, prêt à découper de la feuille. Quand l'encre coule, le mal et le bien s'accueillent. Yeah. Ton âme veut la chanter. Yeah. De retour sur Radioactive avec Monsieur Freeman. Magnifique chanson, Freeman. Magnifique chanson. Merci, mon poto. Merci. Écoute, la sélection était tellement grosse, tu m'as tellement fait galérer pour choisir ce qu'on allait faire écouter. Je te propose tout de suite d'enchaîner sur un autre titre. Je laisse les gens découvrir le titre et on en parle juste après. À tout de suite sur Radioactive. Je ne sais pas trop comment m'y prendre. Je cherche la voie de la félicité, mais je ne sais pas trop comment m'y rendre. Combien de chemins empruntés, m'emmener dans l'impasse. Se perdre dans un labyrinthe, sans fil d'arrière, ne tient à rien. Les liens sont bien trop fragiles, un drame familial. Et on arrache l'arbre à la racine. J'ai toujours mis un point virgule avant le point final. Quand les visages révèlent au grand jour, beaucoup n'ont pas de figure. On ne peut pas être déçu si on n'attend rien des autres. contraint à regarder par la serrure si tu n'ouvres pas les portes. Je ne compte plus les méfaits, dont je suis peu fier. Quand une balle quitte sa chambre, trop tard pour la justifier. Avant de traîner des casseroles, j'ai dû arracher des sacs, endosser de sales rôles, dépose les pierres Paul Jacques. J'en ai tant voulu à ma daronne d'avoir quitté la tare. Autant à mon daron, tarle bien ta tarle. Pourtant j'ai que je leur dois ce que la terre ne pourra jamais supporter comme poids. Pendant que d'autres croisent les doigts, moi je fais des doigts. Seigneur, j'ai la foi. Seigneur, ayúdame. Dime lo que tengo que hacer para encontrar la felicidad, para poder conocer la paz, para que estés en mi vida y que me ayudas a caminar. Oh Dieu mio, je me demande comment on s'en sort avec nos sales sorts et nos destins qui sont pas en accord. Largués comme la plupart, on essaye de piger, mais la compréhension de la vie crée des figés. Tout a péri avec mon innocence depuis je vois rouge. Y'a plus beaucoup d'obéissance chez les farouches. Le paraître attire des aveugles dans un champ de cristal. Nos vies c'est juste des galères qui s'étalent. Sur l'échiquier du monde, on reste que des pions. Et les rois et les reines manipulent quand nous disons. L'illusion du choix chez nous n'arrange pas les choses, et on parle pas de l'incertain qui nous cause et course. Nous, on suit personne, on improvise. On a trop souvent vu les masques qui se divisent. Le traître qui vise que tu possèdes dans le vice. Les crochets du sort, la guigne et ses sacrifices. Comme tout, je cherche la pépite, pépite. Le fight, la life et son spirit, spirit. C'est dans la division que l'ennemi existe. Détenir la vérité auquel peut dans la matrice. Seigneur, Señor, ayúdame a caminar como tú quieres. Perdóname por mi comportamiento, sáname, Señor, ayúdame, Señor. Carré, Freeman, L'Indésirable, featuring Gypsy King. Encore une magnifique chanson avec tout simplement les Gypsy King. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Yeah, baba. Eh ben, à Marseille, voilà, hein, ils font partie de notre life. Comme on dit chez nous, la gitanerie. Donc ouais, c'est moi j'ai grandi au milieu de ça, donc ouais, j'ai toujours ce truc où j'avais envie d'inviter Kaku, la famille Gypsy, je connais depuis un moment. J'avais déjà fait des choses auparavant avec des cousins et tout ça des Gypsy, donc là avec Kaku, j'avais vraiment envie de faire un truc avec lui, donc voilà. Et en fait, là où on s'est retrouvé, c'est que bizarrement, justement, par rapport à tout ce qui se passe aujourd'hui et tout ça, ben voilà, comme on sait que les gitans, ils sont très croyants, etc. Ben voilà, on a essayé d'amener le côté DZ et le côté gitan, mais chacun avec ses croyances. Et c'est pour ça que on a décidé ensemble de parler au Seigneur et de l'appeler le morceau Dio Mio. L'air de dire ce qui se passe. Donc voilà, très très belle expérience, et en plus le morceau plein d'émotions et tout, donc très content. Effectivement, magnifique chanson remplie d'émotions, unification des croyances, l'union fait la force. On va faire découvrir un troisième titre à nos auditeurs, un morceau un peu plus funky, la base, la source. Qu'est-ce que tu peux nous dire un petit peu là-dessus? Ben là c'est le côté, on va dire, c'est mon premier amour, hein, mes premiers amours, c'est la danse. Moi j'ai commencé en tant que danseur dans le groupe IAM, donc j'ai jamais lâché ce côté-là, vrai b-boy 100%. Donc voilà, on vous amène un peu le sunshine, le soleil de Mars, de la planète Mars. Donc voilà, amusez-vous. Et il y a des gens avec toi sur ce morceau? Un garçon qui s'appelle Fossoyeur, c'est un rappeur, c'est un petit des sages-poètes de la rue. Et il y a Anis. Ok, super. Bah, je laisse le plaisir à nos auditeurs de découvrir ce titre. A tout de suite sur Radioactive. Opérationnel pour des dégâts. Voilà mon lust VIP. Je te ramène la tendance loin de NYC. Les vibrations partent du sous-sol dans ton corps, te rendent fou à emporter une camisole. On la donne la vibe universelle. Nous maintient parce que le son est essentiel. Voyage avec nous, Pierre, bouge ton body. Main en l'air si t'as capté l'état d'esprit. Dun, dun, dun, dun. De tous les jours, de tous les jours. Pour nous, peu importe vos différences, cette essence même qui fait l'humain et ses concours. Et ses concours. Que tu sois noir ou blanc, nous, yeah. C'est la vibe et son rendez-vous. Son rendez-vous. Bonjour et nous, c'est important. On va se calmer, on va se remettre au calme dans le studio de Radioactive. Freeman featuring le Fossoyeur et Anis. Anis, qu'est-ce que tu peux nous dire sur Anis? Eh ben, c'est un chanteur qui vient de Paris à la base, d'origine tunisienne. Je l'ai appelé Monsieur Stevie Wonder de la Tunisie, l'aigle de Carthage. Et donc voilà, je l'ai connu sur Paris, à l'époque il chantait avec Oncle Ben, Ben l'Oncle Soul, et toute sa clique, et c'était ben, des poteaux à moi, donc voilà, je l'avais pris en main pendant un moment, donc voilà. Super morceau en tout cas, ça fait bouger un petit peu. Les clips sont dispo sur YouTube ? Exactement, ils sont dispo sur YouTube, il faut juste taper Freeman Fossoyeur feat Anis. Ok, n'hésitez pas à aller check tout ça sur YouTube. Le clip avec Gilbert Montagnier, il est dispo aussi sur YouTube ? Il est dispo sur YouTube aussi, mais c'est sur la chaîne DZ au carré, DZ avec N2 au-dessus ou au carré, ou sinon vous tapez Freeman DZ, normalement ça devrait sortir. Ok, super, allez check tout ça. Et dis-moi, le clip avec les Gypsy, il est aussi dispo ? C'est dispo aussi, pareil, sur la même chaîne, DZ au carré. Ok, n'hésitez pas à aller check tout ça, à bien taper les bons mots-clés pour être sûr de tomber dessus sur YouTube, tout simplement. Yes, baba. J'aimerais qu'on parle d'un titre qui s'appelle « On a encore tous des rêves ». Qu'est-ce que tu peux me dire là-dessus, s'il te plaît? Et en fait, on a tous des rêves. On l'a fait en fait à l'époque où c'était pour les 50 ans de la mort de Martin Luther King. J'étais sur un projet avec un ami qui s'appelle Guevara, qui fait partie du cercle vicieux. C'est les petits de la clica. Et en fait, ben voilà, on s'est dit on devrait rendre hommage à cette personne, à Monsieur Martin Luther King. Et donc du coup, tout le thème a été basé sur ça, mais sauf que nous, aujourd'hui, au lieu de dire « I have a dream », enfin, de dire « j'ai un rêve », on a dit « on a encore des rêves ». Donc c'était pour, j'allais dire, pointer la continuité de son combat. Parce que son combat, il était noble et pour cette époque-là, il était très noble. Et donc voilà, on essaye de continuer à faire ce travail. Ouais, effectivement, encore un gros titre que j'ai eu l'occasion d'écouter. Freeman, Guevara, on a encore tous des rêves sur Radioactive. A tout de suite. I say to you today, my friend. So even though we face the difficulties of today and tomorrow, I still have a dream. Pourquoi nos élites deviennent de gros dictateurs? Pourquoi Malcolm est mort en trouvant sa voie? Pourquoi Massoud est mort, c'était sa voix? Pourquoi on a encore des rêves? La foi. Mandela a été enfermé pour être libre. L'espoir et les rêves font tourner le monde. Et nous on est dedans en tant qu'insoumis. On mise sur la liberté et sa terre promise. La réalité on subit, les rêves on les crée. Ancré dans le réel, l'irréel apparaît. Car la bonté dans nos cœurs s'imprime. Car oui, moi aussi Martin. I have a dream. On a tous des rêves qui nous mènent. On a tous des rêves. On a tous des rêves qui nous poussent. On a tous des rêves. On a tous des rêves qui nous mènent. On a tous des rêves. On a tous des rêves qui nous poussent. On a tous des rêves. L'œil ouvert, je fais des cauchemars de dingue. Quand ce qui nous fait rêver, c'est le fric et les flingues, le shit et les seringues. Au final, on nous berce, on nous empêche de rêver. Malgré les embûches, y'a que les rêves qui nous font marcher. One day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character. I have a dream today. I have a dream that one day. Je suis pas un leader, juste un pur soldat, Geftar. Je suis pas un dealer, juste amateur de ganja. La rumeur est un fait, On veut briser nos rêves, comme on t'endette pour stopper l'envie de faire grève. Vive dans l'indépendance, ma putain d'utopie. Le mic comme un gun dans la main, comme une bactérie. Je lâche rien parce que mes rêves sont intacts. Mon chemin propre à mes choix, quand je foire, je regrette. Hop, parfois mon esprit se barre, le reste du temps je suis lucide. Sur mon avenir, je te l'ai déjà dit, je vais crever dedans. Mais c'est pas moi qui décide où et quand. Avant de partir, y a des choses qu'il faut que j'élucide. On a tous des rêves qui nous mènent. On a tous des rêves. On a tous des rêves qui nous poussent. On a tous des rêves. On a tous des rêves qui nous mènent. On a tous des rêves. On a tous des rêves qui nous poussent. On a tous des rêves. J'ai rêvé qu'on était des humains sur terre et pas des étrangers avec toutes vos frontières. On est des chiffres, du perso au cimetière. Ici la foi du pauvre et ses mystères. One day like that in Alabama, little black boys and black girls will be able to join hands with little white boys and white girls as sisters and brothers. I have a dream today. J'ai rêvé côtoyer le sommet à plein, comme j'ai grandi boy. Y'a rien de man for life tatoué sur mon palpitant. J'ai rêvé de saleté moulée dans du brillant. Aujourd'hui j'ai ma fille, ma femme gravée sur mon palpitant. Chez nous le temps est bloqué, tableau sanglant, montrant le pire et pas le meilleur. Et sache que ton ennemi c'est l'habitude. Voilà pourquoi on cherche dans la verrue. On a tous des rêves qui nous mènent. On a tous des rêves. On a tous des rêves qui nous poussent. On a tous des rêves. On a tous des rêves qui nous mènent. On a tous des rêves. On a tous des rêves qui nous poussent. On a tous des rêves. I have a dream today. Freeman, Guevara, on a tous des rêves sur Radioactive. Encore un gros son, profondeur totale, j'ai kiffé. On a encore des rêves. On a encore des rêves, effectivement. Donc encore un gros titre, très gros titre. Dispo sur YouTube. Merci. Ouais. Toujours exactement, dispo sur YouTube. Toujours dispo sur YouTube, mais sauf que là, c'est sur Epicentre Record. Epicentre Record, ok, super. N'hésitez pas à aller check ça. J'aimerais qu'on s'attarde un petit peu sur tes réseaux, Freeman, où est-ce que les gens ils peuvent te suivre, t'attraper, Facebook, Insta, TikTok, voilà, je sais pas. En ce moment, c'est vraiment le plus gros, c'est Insta quand même. Et sur Insta, c'est I am Freeman Phoenix Epicentre. Donc voilà, c'est un peu le concentré de tout ce que j'ai fait depuis 20 ans en fait. C'est I am Freeman, Phoenix, Epicentre. Et donc voilà, donc il y aura tout, toutes les infos, tout ce qui se passe, les nouveautés, ouais, etc., les concerts, etc., etc. Ok, ça marche super. N'hésitez pas à aller check donc sur Insta. Et en fait, I am Freeman Phoenix Epicentre, ça marche pour tout, pour Snapchat, pour Facebook aussi. Donc voilà. Ok, super. J'aimerais qu'on parle maintenant d'un titre qui s'appelle La Nuit du Phoenix. Encore un gros titre avec un clip avec un clip royal, c'est le cas de le dire hein, puisque je crois que tu tournes dans un château, non? Ouais, c'est exactement ça. C'est la royauté de la rue. C'est la rue qui vient chez eux, justement. C'est ce que j'ai voulu montrer un peu dans l'idée que j'avais du morceau. C'est un peu, c'est la rue qui débarque dans vos salons. C'était un peu ça, surtout qu'en ce moment, il n'y a pas trop de textes un peu engagés, très engagés même. Donc je me suis dit, ce serait bien de ressortir ce son. Et donc voilà, on s'est fait plaisir. Ok, super. On va écouter tout de suite ce titre et on se retrouve juste après sur Radioactive. Thank you. passé tellement longtemps. J'attends un son comme ça, ni que les intros, refrains, ici le pissant. La justesse, nos choix définit notre avenir. Alors je m'applique, rime après rime, je nique leur désir. Survivre et laisser vivre, pas question. La vérité a sa place dans vos salons. La souffrance ici, c'est une matière première. À qui c'est la travailler au milieu de civière. La rivière du mensonge mène à l'océan vice. Le néant il s'épice et son abysse. T'as pas honte, tu sais que j'parle à toi. J'parle à celui qui me disait que le hip-hop était son toit. L'art s'exprime dans le risque et pas le confort. J'veux pas être parmi les plus forts. J'suis unique, ni classique de France et sa putain de clique. Y'en a qui parlent de MC alors qu'ils sont dans la matrice. Tu veux du rap? Tiens, j'te donne du rap. Le rap, l'arabe, celui qui passe mal. Devant tes potes, tu crois qu'on le savait pas? Encore une fois, l'apparence avait vu chez toi. Maintenant, regarde ta vie et fais un point. Tu verras que le point, c'est celui d'un autre. L'important à genoux, c'est de savoir se relever. Où on t'attend, regarde là-haut, papé. Les merdes font pousser les mauvaises herbes. Les verbes font pousser les neurones qu'on lègue. Qu'on sème, qu'on traduit, qu'on façonne. Ici la plume du phénix et son air qui grogne. Ma liberté se déploie, se dévoile à la face du monde et des ingrats. J'fais partie de ceux qui en bavent et qui tiennent. C'est bien de donner des coups, mais faut savoir encaisser dans l'arène. Maintenant, y'a plus de hip-hop, y'a que du rap business. Le cul, la richesse et son ivresse. Ici c'est plume, papier, cause et sa noblesse. Notre art, papy, rime pas avec paresse. Faut que le paraître, la réalité prime mon tapis. J'affirme, la revanche provoque l'appétit. L'art de la rime, c'est crime et c'est Rocky. L'adversité est celle qu'on aime qui nous tient en vie. Ici les tranchées, l'étranger qu'on veut pas. Pas grave, cause, on fait avec et on se bat. L'État et ses ministres et puis ses lois. Le hip-hop dérange chou, on n'est pas gaulois. Skyrock c'est le cimetière de ma zik en France. L'amour à petit feu de notre culture dès sa naissance. Un virus dans la matrice qui s'empiffre. T'inquiète, chez nous, maintenant on les voit les chiffres. On croyait tous qu'on était dans un pays libre. Ils nous ont tous enfermés dans un style de vie. La différence s'accepte quand t'as un compte plein. La différence, c'est les autres qui veulent ton pain. La politique aujourd'hui contrôle bien la masse. C'est devenu des people qu'on retrouve dans Paris Match. On s'habitue à tout, alors on continue en cravache. Le mérite s'obtient dans la douleur que tes vies clashent. Ici l'art sale, celui qui râle, l'indépendant. Celui qui veut pas entrer dans les rangs. Lassé de voir l'histoire qui se répète. Navré de voir qu'on oublie le mal et ses dettes. L'amnésie poteau, c'est le fléau du siècle. Que ce soit dans l'histoire, la politique ou le business. Tout le monde veut avancer sans les boules qui traînent, qui gênent. Et les dégâts collatéraux malmènent. Toujours les mêmes balivernes. Liberté, égalité, fraternité, c'est pour eux. Ceux qui ont peur du peuple et qui veulent les contenir, nous tenir. Non, tu tiens le hip-hop, mais pas ces MC. Regarde la musique de gosse commence à avoir des rides. Ne jamais sous-estimer un écrit qu'on bride. On nous considère encore comme une sous-culture. C'est comme dire, salut esclave, ici la race pure. Poète, maître des lettres, guide mes pensées. L'avenir semble sombre et l'écrit influencé. Je préfère rester dans l'ombre et taffé. Ici c'est pas l'Amérique, c'est du rap marseillais. Mon quartier d'où est partie la révolution française. Belsens, rue Tubano, l'âme la brève. Où on revendique, où les lois s'éradiquent. Où l'on leur guide, tous les hommes véridiques. L'histoire du monde est un bon regard sur l'avenir. Finalement c'est toujours les mêmes qui tirent les ficelles. Le peuple travaille et les bourges s'aiment. Car la quiche chez nous finalement n'est qu'un prémène. Heureusement que les hommes bons existent. Dans toutes les religions, toutes les races qui persistent. À nous de prouver que le mal vaudra jamais le bien. Malheureusement y'a encore trop de renais. Ils sont pas là pour échanger idées et pensées, mais pour recevoir des ordres dans le désordre. Parmi les dominés, où la haine se brode, où la grâce vit pas, où la rage déborde. Notre vie est faite de beaucoup de peine et peu de joie. C'est beaucoup de souffrance pour aussi peu de liberté. Voir la liberté maintenant se paye cher. Et beaucoup se perdent, frère, ça repère. Car l'histoire de l'homme est un grain. indispensable dans l'immensité. Chaque mesure un respect pour les 9-9 synonymes. Et la dernière, la foi pour la loi divine. Ici brave heurte, les braves qui ont mal se heurtent. Et ça rechigné, ici les SLR. Ton sang, c'est un résidu de notre œuvre. Ici brave heurte, les braves qui ont mal se heurtent. Et ça rechigné, ici les SLR. Phoenix, Phoenix, SLR, SLR. Phoenix, Phoenix, SLR. La nuit du phénix sur Radioactive. Vraiment gros titre, gros titre. J'ai vu le clip en fait, donc j'aime beaucoup le clip. Voilà. Eh ben merci. On s'est fait plaisir aussi. Je suppose que c'est beaucoup de travail, beaucoup d'heures de tournage, beaucoup d'organisation. Le tournage c'est fait sur deux jours entiers. Ouais, c'était pas mal. Ouais, c'était une bonne cadence. C'était où? C'était à Avignon. À Avignon. Okay. À Avignon. Ok, donc vous avez bloqué deux jours là-bas. Exactement. Et vous avez dormi dans le château ou à l'hôtel? Non, Airbnb, mon pote. Non, bah écoute, hein, c'est bien. Ok, super, bah, je pense que ça a dû être une belle expérience. Et en tout cas, ça ressort super bien, donc félicitations. Exactement, merci à vous. Dis-moi, j'aimerais qu'on parle encore d'un truc. De toute façon, on ne pourra pas faire le tour de tout, hein, c'est pas possible, mais j'ai encore envie de diffuser un titre. J'ai envie que tu nous parles un petit peu de ce groupe qui s'appelle Puro. C'est ça, ouais, Puro. Qu'est-ce que tu peux nous dire un petit peu sur... C'est une période où j'avais quitté mon groupe, IAM. Donc, j'étais parti sur Paris pendant un bon moment. D'ailleurs, sur Paris, j'avais fait l'album avec Guevara et puis avec Fossoyeur. Ça nous a pris un bon 2 ans et quelques. Donc, du coup, moi, pendant ce temps-là, j'avais de très, très bons amis à Nyon, en Suisse. Et en fait, j'ai créé mon label là-bas. Donc, du coup... Qui s'appelle comment ? Qui s'appelle Epicentre Records. Donc, par rapport à ça, j'ai connu des rappeurs de là-bas et ça a ouvert plein de portes parce que finalement, j'ai connu un rappeur chilien et un rappeur espagnol aussi qui s'appelle... Le rappeur chilien s'appelle Six et le rappeur espagnol s'appelle Flav. Mais... Il rappe aussi en français, donc c'était le bon compromis pour moi à cette époque-là. Donc du coup, pour rigoler, nous à l'époque on était fous de Tony Montana, et pour rigoler on disait alors tu veux du puro, et en fait c'est venu de là, et on est parti sur un délire avec les mains où on faisait MP, on était en mode Chicanos à fond, et on est parti sur le mode puro parce qu'il y avait le chinois aussi qui avait des potes, et mon associé du label il était colombien de base. Donc du coup, ben voilà, on est parti dans un délire vraiment hispanique et c'était vraiment sympa. Donc voilà, très bel album qui en est sorti. Mais du coup là, le chilien il vit en Chili et... Non, il vient du Chili et l'espagnol pareil, il vient d'Espagne mais il vit en Suisse. Ils vivent en Suisse, ok, voilà. D'accord. Et donc sur le titre là, ils rappent en français ou ils rappent en chinois? Ils font les deux généralement. Okay. Ils font les deux. Suivant les morceaux que tu prends, il y en a, ils vont rapper en français, d'autres ils vont rapper exclusif en espagnol. D'accord, donc ça donne des morceaux vachement. Comment dirais-je? Caliente, voilà, ouais. C'est, ouais, voilà quoi. C'est... Non, ça va, ça passe bien. Ok, super. Eh ben, je vous propose qu'on se fasse ce titre, Puro Freeman, sur Radioactive. À tout de suite. Yeah. Puro. Ni topa balazado. No hay salida, mi vida, música y contacto. Sin contrato, por tu mierda yo no pago. Un mundo sin justicia, esta mentira no la trago. Vengo de abajo, representa a los obreros. Los que mojan la camisa, siempre deprisa. Te vamos a sacar esa risa. Solo le doy confianza a la mitad. Cacha como roban a los pobres. Cacha como dilapidan el dinero de tu sobre. Corre, corre, tras de tu sueño pa' comer. Porque te la sacan toda y te la meten por el poto. Lejos de mi tierra, mi voz, lo que me queda. Muy tarde pa' volver a mi edad. El miedo ya lo siente, el suelo tiembla. El pueblo sale porque estamos en guerra. Oh, Bandic avec de la force. Le point levé. On combat pour la liberté. Le point levé. Et on est fiers de nos races. Le point levé. Y'a plus de colonies d'esclaves, on veut nos places. On revendique avec de la force. Le point levé. On combat pour la liberté. Le point levé. Et on est fiers de nos races. Le point levé. Y'a plus de colonies d'esclaves, on veut nos places. Yo, puño levantado, révolution, la mano obrera. Conciencia de la calle, mi música no espera. La cera te tira, te atrae y te mira. Si giras con tu socio, ve, no es mentira. Gritos de esperanza, fe, sin confianza. Abuso de todo tipo, charlas falsas de políticos, plow. Paro arriba, hipoteca, chica en la cesta, no hay tiempo pa' la siesta. Pareja separada, mujeres maltratadas, verdad. ¿Dónde fue el hombre educado con lealtad? La cabeza basta ya, porque euro no hay ya. Está bien de curarse los problemas en el bar. La familia miente, por ello voy a luchar, cala, sin parar. La montaña pa' llegar, sin mirar pa' atrás. Sin olvidar cosas pasadas, me voy a la calle pa' manifestar. On revendique avec de la force, le point levé. On combat pour la liberté, le point levé. Et on est fiers de nos races, le point levé. Y'a plus de colonies d'esclaves, on veut nos places. On revendique avec de la force, le point levé. On combat pour la liberté, le point levé. Et on est fiers de nos races, le point levé. Y'a plus de colonies d'esclaves, on veut nos places. Je le mérite et mérite, donc v'là un son hors série. Et on sert serré, à serrer la furie. Et chérie, dans notre bise, rien ne va plus, les cœurs ne battent plus. Et qu'on s'envoie l'électrochoc, afin de stopper cette putain de peste qui s'éteint. Laissant l'art disparaître et vivant de son passé. Basé où le mot création domine. Je vomis sur vos dits, la techno c'est pas ma cousine. Elle fait comme un big nom, c'est pas les big nom. Mais on tient le fond et la forme, genre son piston. Pas d'artifice, mon artiste quand les yeux se plissent. C'est mon job et j'kiffe, mon objectif flou et l'établi. Le pouvoir exécutif dans ce track-li et l'inomotif. Tu verras qu'on est loin d'être près des nocifs. Et ton fils, si tu nous pisses, fils sont ton père. On revendique avec de la force, le point levé. On combat pour la liberté, le point levé. Et on est fiers de nos races, le point levé. Y'a plus de colonies d'esclaves, on veut nos places. On revendique avec de la force, le point levé. On combat pour la liberté, le point levé. Et on est fiers de nos races, le point levé. Y'a plus de colonies d'esclaves, on veut nos places. Le point levé. Le point levé. Le point levé. Le point levé. Le point levé. Le point levé. Freeman, Puro, le point levé sur Radio Active. Yeah, baba. Yes, c'est une spéciale pour Malcolm X. Dans la cervelle, le point, il est toujours levé, baba. Dédicace à Malcolm X. Exactement. L'émission touche déjà à sa fin. C'est passé rapidement. Yes. C'est court. On te remercie infiniment de nous avoir fait ce plaisir d'être ici. C'est hip-hop. C'est hip-hop, c'est le partage, c'est la nature même de ce mouvement. Yes. Encore merci, Freeman. Et puis, au plaisir. Très bonne continuation et à très vite. Merci beaucoup. Au plaisir. Sur Radio. Ciao, ciao. Au revoir. C'est ça, freestyle. Ok. Bienvenue sur Freestyle. L'émission des cultures urbaines, on reprend tout à zéro, on reprend tout à zéro. On s'active sur Radio Active, faut de l'espoir pour réussir, ici c'est freestyle.